En Corée, divers secteurs de l'économie nationale enregistrent de grandes réalisations. Par rapport à la même période de l'année passée, la production industrielle nationale du premier trimestre a augmenté environ d'1,5 fois. La production d'électricité et de charbon, ainsi que le transport des marchandises par voie ferrée, ont accru respectivement de 135%, de 117% et de 109% par rapport à la même période de l'année passée. La métallurgie, la pêche, l'industrie forestière, l'industrie légère et autres secteurs ont également dépassé le plan de production du premier trimestre de cette année.